je suis comme tout le monde, parachuté par une cigogne, balafré par cette vie de merde et ce quotidien qui nous colle. Puisque lassé de vivre dans l'ombre, je me rapprochais des projecteurs. Même si la gloire ne veut pas de moi, j'irai lui arracher une heure. Mon ambition est débordante en tant qu'acteur de ma propre vie. Je peux pas me contenter du SMIC, mais d'une vie de rêve à Miami. J'ai ma fierté, si je réussis, ce sera sans jouer les lèches-culs. Dites-moi à quoi servent les rêves s'ils ne peuvent pas être vécus. Je n'ai qu'une envie, c'est tout plaquer, m'évader et me sentir libre. À ceux qui me disent j'ai pas les couilles, va leur dire que j'ai un gros chiffre en pourchassant le paradis. J'ai dû arpenter l'enfer, mais comment retrouver une chose qui est déjà sous les pieds de ma mère? La musique, une thérapie qui me coûte plus qu'elle me rapporte. Je me remettrai à croire en elle quand Warner sera à ma porte. Tout stoppé serait radical, fini les champs lexicales. Donc si je ne suis plus sur la toile, c'est que je suis filant comme une étoile. C'est ma raison de survie. Les pleurs, les cris m'ont rendu ivre. M'envoler, me libérer, réaliser, jamais abandonner. C'est ma raison de survie. Ne jamais plus entendre de cris. J'ai grandi, c'est cette vie. Je suis à l'heure, recherche du paradis. Je me suis imaginé bonheur sur une des plages de ma Sicile, me mariant à ma princesse, celle qui vaut toutes les Siciles. J'ai cherché le jardin d'Éden pour y goûter le fruit défendu. Le diable est en chacun de nous, mais c'est en femme qu'il a paru. À ce qui paraît, le travail paie, ça fait plus de 12 ans que charbonne. Croyez-moi, le rap, c'est une vraie plaie. Je ne souhaiterais ça à personne. Donc les faux culs, moi je vous faux cul. Épargnez-moi votre gratitude. Ne croyez pas que je compte sur vous. Vous n'avez pas les aptitudes. J'ai beaucoup de buts pour une seule vie. Je n'écris pas de pages, mais que des livres. Seulement plus peut faire que je sois libre et ma mélancolique, je sois ivre. Je ne regarde plus dans le rétroviseur car y'a trop de jaloux et de suceurs. Je big up juste mes admirateurs, votre soutien me fait chaud au cœur. Je rêve d'accomplir avec ma destinée dans les bras de ma dulcinée. Un disque d'or me fera halluciner, d'autant que mes sons sont calcinés. Les temps sont durs, j'ai plein de problèmes. J'ai peur qu'on m'oublie comme Harlem. Donc pour l'instant, je crache mes poèmes. Je sais faire ça et c'est ce que j'aime. C'est ma raison de survie. Les pleurs, les cris m'ont rendu ivre. M'envoler, me libérer, réaliser, jamais abandonner. C'est ma raison de survie. Ne jamais plus entendre de cris. J'ai grandi, c'est cette vie. Je suis à la recherche du paradis. C'est ma raison de survie. Les pleurs, les cris m'ont rendu ivre. M'envoler, me libérer, réaliser, jamais abandonner. C'est ma raison de survie. Ne jamais plus entendre de cris. J'ai grandi, c'est cette vie. Je suis à la recherche du paradis.